projet de réforme des retraites sera présenté demain en Conseil des ministres après 50 jours de grève interprofessionnelle. C'est peu dire que ce projet braque une partie de la population au rang desquels les enseignants-chercheurs. Une inquiétude qui vient s'ajouter à des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles, des carrières qui n'ont cessé de se précariser depuis plusieurs dizaines d'années. Et cette question en suspens, à force de réduire les budgets, les recrutements, en fragilisant les débuts de carrière et maintenant en appauvrissant les fins de carrière, les gouvernements successifs sont-ils en train de mettre en pièces la recherche publique française? Recherche, carrière, désespérément, c'est le programme social qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous allons donc nous intéresser à l'évolution des carrières dans la recherche, y compris à travers cette réforme des retraites et à la façon dont elle va concerner les chercheuses et les chercheurs. Nous en parlons aujourd'hui avec Michaël Zemmour, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur de l'axe politique socio-fiscal du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et Sophie Pochic, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail et du genre, directrice de recherche CNRS à l'École normale supérieure à l'EHESS. Et membre du syndicat FSU Recherche. Un mot pour vous dire que si vous avez des questions, des témoignages sur la nature de votre parcours professionnel ou sur la réforme des retraites plus précisément, vous pouvez nous les écrire tout au long de cette heure en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc et je tâcherai de m'en faire le relais auprès de mes deux invités du jour. Mais pour commencer, on fait le tour de l'actualité scientifique de ces dernières heures dans le journal des sciences présenté par Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Antoine, on commence par ce coronavirus chinois qui affole tout le monde et qui a déjà fait 17 morts. Oui, 17 morts et plus de 500 personnes infectées. On sait que ce virus baptisé 2019-nCoV appartient à la famille des coronavirus, comme le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui avait fait plus de 650 morts en 2003 en Chine. Alors que plusieurs autres cas de ce coronavirus ont été détectés en Asie du Sud-Est et un aux États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore, à l'heure où je vous parle, rendu sa décision sur la déclaration ou non de l'urgence de santé mondiale, alors que les scientifiques chinois commencent, eux, à soupçonner une espèce de serpent d'être l'animal réservoir du virus, les autorités chinoises prennent des mesures de sécurité. Après la ville de Wuhan, foyer primaire du virus où vivent plus de 11 millions d'habitants, les villes de Huanggang, 7 millions d'habitants, et Hezhou, plus d'un million d'habitants, ont également été placées en quarantaine. Plusieurs des plus grandes villes chinoises, dont Pékin, Hong Kong ou Macao, ont, quant à elles, annulé les célébrations du Nouvel An chinois ce samedi 25 janvier pour empêcher une propagation du virus. De quels moyens dispose-t-on justement pour endiguer la propagation d'un tel virus et quelles sont les priorités des scientifiques pour en limiter les effets? Écoutez Jean-Claude Manuguera, qui est virologue et responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Pour que une intervention purement sanitaire soit efficace, en absence de vaccin, parce qu'on n'aura pas de toute façon pour l'instant et pendant longtemps, c'est de savoir si les personnes qui sont infectées sont contagieuses avant d'être malades ou pas. C'est le cas, par exemple, du virus du SRAS, c'est le cas des infections par le virus Ebola. Et donc, dans ces cas-là, en fait, isoler les malades permet d'interrompre les chaînes de transmission. Et ça a été réalisé avec succès en 2003 pour le SRAS et plus récemment aussi pour Ebola. C'est un caractère de cette infection qui sera très important de déterminer pour savoir si ce type de lutte sanitaire a des chances d'être couronné de succès. Maintenant, la deuxième chose, c'est que non seulement il faut interrompre les chaînes de transmission entre les individus, les transmissions interhumaines, mais il faut aussi identifier la source de l'infection, parce que si on arrête les transmissions interhumaines et qu'on a à chaque fois des réintroductions à partir de la source animale à identifier, eh ben on sera confronté à chaque fois de nouveau au même problème, on sera obligé de repartir à zéro. Donc ce qui est très important maintenant, c'est d'essayer de savoir quelle est la source animale de cette infection nouvelle chez l'homme. Alors le virus, lui, est complètement identifié, puisque le collègue chinois a mis ses données dans le domaine public très très vite. On a la séquence totale du génome viral. Maintenant, nous avons beaucoup à apprendre sur sa réplication sur, par exemple, quel est son récepteur, parce que ça va influencer la direction des recherches vers le réservoir animal. Ça va aussi indiquer quelles sont les cellules cibles potentielles de ce virus. Il semblerait, d'après une étude faite par nos collègues de l'Institut Pasteur de Shanghai, in silico, hein, puisqu'ils n'ont pas le... C'est une recherche qui a été faite relativement rapidement. Il semblerait que la protéine qui s'attache au récepteur de ce nouveau virus reconnaîtrait le même récepteur que celui du SRAF, à confirmer de manière expérimentale, bien sûr. Voilà, et on en parle, on fait un point complet demain sur l'état de nos connaissances et des recherches autour de ce coronavirus. Ça donne dans notre émission, dans notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science Advances, les champignons seraient apparus sur Terre plus tôt que ce que l'on pensait. Oui, l'étude menée par une équipe de l'Université libre de Bruxelles date cette apparition entre 715 et 800 millions d'années. C'est 300 millions d'années plus tôt que les estimations avancées jusqu'alors. L'étude s'est portée sur des mycéliums, des réseaux de filaments interconnectés microscopiques, découverts dans des roches anciennes provenant de la République démocratique du Congo. À partir de l'analyse moléculaire de ces restes, les chercheurs ont pu détecter des résidus de chtinine, un composé très résistant de la paroi des champignons et qui est propre à ce groupe. Selon les responsables de l'étude, cette découverte invite, je cite, à revoir la chronologie de l'évolution des organismes sur Terre. Mais ça n'est pas tout. Les chercheurs avancent également que la présence de champignons dans ces roches situées à l'interface entre zone terrestre et aquatique ferait des champignons des partenaires importants des premières plantes à avoir colonisé la surface terrestre il y a environ 500 millions d'années. En bref, on a enfin réussi à modéliser l'étoile Altaïr. Altaïr, c'est cette étoile située à 17 années-lumière de la Terre qui fait partie de la constellation de l'Aigle et qui intrigue depuis longtemps les astronomes en raison de sa très grande vitesse de rotation, plus de 100 fois supérieure à celle du Soleil, qui fait que le rayon polaire de l'étoile est 20% plus petit que son rayon équatorial. En raison de cet aplatissement centrifuge, la modélisation d'Altaïr était impossible suivant les approches classiques de la physique stellaire qui utilisent comme norme la symétrie sphérique. Des chercheurs ont donc décidé d'utiliser deux dimensions d'espace pour modéliser Altaïr. Les résultats de cette modélisation présentée dans la revue Astrophysics and Astronomy ont permis d'évaluer la masse d'Altaïr, 1,86 fois celle du Soleil, et de donner un coup de jeune à l'étoile, alors que les modèles sphériques lui donnaient 1 milliard d'années. Ce nouveau modèle estime l'âge d'Altaïr à 100 millions d'années. Et enfin, nos ancêtres néandertaliens escaladaient des volcans peu de temps après leur éruption. C'est ce qu'ont révélé des empreintes de pas préservées dans la cendre volcanique non loin du volcan de Roccamonfina dans le sud de l'Italie, un volcan actif entre 385 000 et 325 000 ans, soit bien avant l'apparition d'Homo sapiens. En 2003, des chercheurs de l'université de Padoue ont trouvé 56 empreintes de pas, un nombre qui vient de se porter à 81 selon l'étude récente dans le Journal of Quaternary Science. La majorité de ces empreintes sont en direction de la descente, mais parmi les nouvelles découvertes, certaines vont dans le sens de la montée, et ce, juste après une violente éruption ayant provoqué un écoulement pyroclastique. On ignore les raisons précises pour lesquelles ces humains préhistoriques arpentaient les flancs du volcan. La découverte d'outils taillés sur le site suggère que le volcan aurait pu être une source pour la production lithique. Merci beaucoup Antoine. Et on vous retrouve demain pour un journal des sciences de la semaine, comme tous les vendredis. Après 8 semaines de conflits autour de la réforme des retraites, eh bien, ce projet de réforme doit être présenté donc demain en Conseil des ministres. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle, a présenté ses vœux avant-hier et à cette occasion, Frédéric Vidal a annoncé une revalorisation des salaires d'embauche des jeunes chercheurs. Cette annonce, qui était très attendue hein, après l'annonce de l'augmentation des professeurs du primaire et du secondaire, est censée compenser la perte annoncée justement liée à la réforme du mode de calcul des retraites. Je vous propose d'écouter l'annonce de cette ministre Frédéric Vidal. Elle est au micro de Stanislas Vazak de France Culture. Frédéric Vidal, 26 millions d'euros pour les enseignants-chercheurs recrutés nouvellement. Cela représente quoi concrètement pour chacun d'entre eux ? Alors actuellement, et c'est un sujet qui a été porté et discuté par tout le monde, nous avons dans le recrutement des jeunes chercheurs et des jeunes maîtres de conférences un problème d'attractivité lié à la faiblesse des rémunérations. Actuellement, ces rémunérations au départ se situent entre 1,3 et 1,4 SMIC. Et l'engagement que j'ai pris, et ce sur quoi nous commençons à travailler avec les organisations représentant des personnels et les conférences, c'est comment faire en sorte que plus aucun jeune chercheur ou jeune enseignant-chercheur ne soient recrutés en dessous de 2 SMIC dès 2021. L'enveloppe qui a été estimée nécessaire pour cela est de 26 millions d'euros. L'objectif, c'est que nous n'ayons plus ces jeunes qui hésitent à embrasser la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur à cause de la faiblesse des rémunérations de départ. Est-ce que l'on peut chiffrer ce que ça représente pour chacun des enseignants-chercheurs ? Alors, ceux qui sont recrutés effectivement à 1,3 ou 1,4 SMIC, puisque ça dépend de la façon dont ils sont reclassés ensuite, c'est un gain de presque 8 000 euros par an. En moyenne, c'est un gain de 2 600 à 2 800 euros par an. Voilà, Frédéric Vidal au micro de Stanislas Vazak. Avant-hier, peut-être une réaction simplement l'un et l'autre, Michaël Zemmour, Sophie Pochic, à cette annonce. Elle était effectivement très attendue, Michaël Zemmour. Cette annonce, elle est un petit peu particulière à la fois dans ses modalités et sur le fond. Sur le fond, les enseignants-chercheurs, comme l'ensemble des fonctionnaires, ont vu une dégradation de leur traitement suite au gel du point d'indice depuis 10 ans. Et donc là, est annoncée une revalorisation qui est extrêmement ciblée sur les tout débuts de carrière. Et donc, effectivement, il y a une sorte de décalage d'ordre de grandeur entre la perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs ont décroché très largement, comme beaucoup d'autres catégories de personnel, du salaire moyen. Ça, c'est l'ordre de grandeur général, et l'annonce qui va concerner uniquement les débuts de carrière. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est un petit peu étonnante, c'est l'argument. Je siège à l'université, je sais que dans le secondaire, dans le primaire, il y a des difficultés de recrutement. À l'université, il n'y a pas de problème de recrutement. Ça se bouscule au portillon, au contraire. Malgré des rémunérations faibles, ce qui manque essentiellement, c'est des postes. Et donc, si des gestes salariaux sont attendus, c'est pas pour des questions d'attractivité, spontanément. C'est davantage... pour des questions de pouvoir d'achat. Alors on a néanmoins tout de même, à chaque fois qu'on a parlé de ces questions, hein, de précarité, de rémunération, de difficulté ou de décrochage des carrières de recherche en France, on a souvent évoqué, Jules Hoffmann à ce micro par exemple, les problèmes, ou Serge Haroche, des débuts de carrière. On dit le problème des carrières en France, c'est qu'elles ne sont pas attractives. En proposant cette revalorisation, Sophie Pochic, la ministre fait tout de même un geste dans le sens, eh bien, justement, d'une doléance qui est une doléance ancienne du milieu de la recherche. Tout à fait. Cette demande de revalorisation des salaires à l'entrée, elle est portée depuis longtemps. Il faut faire cependant attention aux effets de communication. Ce n'est pas un doublement des salaires parce que, comme en moyenne, les jeunes chercheurs recrutés désormais, c'est en moyenne 34 ans, 35 ans, par un phénomène de reconstitution des carrières, ils sont embauchés en réalité à 1,7 ou 1,8 du SMIC et pas à 1,4. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés, on prend en compte toute l'expérience accumulée pendant les périodes antérieures contractuelles. Et donc, ils ne rentrent pas en bas de la grille. Mais d'ailleurs, souvent, ils peuvent rentrer Un peu plus haut, d'accord. Plus haut que la grille. Donc, c'est-à-dire qu'ils rentrent au troisième niveau d'échelon, c'est ça, pour les maîtres de conférence, oui, au lieu de rentrer au niveau 1. C'est ça. Et comment expliquer qu'il y ait un problème de recrutement si tardif, 34 ans, 35 ans, la raison principale, c'est que les budgets consacrés à la recherche publique sont en baisse et n'atteignent absolument pas le 1% du PIB qui avait été l'engagement en 2000. Et donc... Je reprécise hein, pour les auditeurs, effectivement, oui. Il y a ce qu'on appelle les accords de Lisbonne qui enjoint les pays de l'Union européenne à faire monter à 3% du PIB le budget consacré à la recherche et à l'enseignement supérieur. Or, effectivement, pour la recherche publique, il est de 0,8 points, alors qu'il devrait monter à 1 point normalement. Tout à fait. Donc, comme le parcours de formation... À la recherche, il est très long. On passe tout d'abord par une thèse. Ça dure environ 4-5 ans, financé par des allocations doctorales qui durent 3 ans, mais qui ne financent pas l'ensemble de la durée de la thèse. Puis ensuite, une période postdoctorale après soutenance qui dure 4 à 5 ans, en raison notamment de la chute drastique du nombre de postes au concours. En fait, les exigences à l'entrée sont de plus en plus fortes. Il y a une compétition intense, il faut avoir enseigné, publié, etc. Et on se retrouve avec un nombre de postes en concours qui a fortement diminué. Pour vous donner juste un chiffre, On va revenir, allez-y, je vous laisse donner le chiffre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre le temps de détailler tous ces débuts de carrière pour bien comprendre effectivement où sont les apories, où sont les trous et quelles sont les revendications qui sont portées par le milieu de la recherche et un certain nombre de syndicats. Mais je vous en prie, donnez le chiffre que vous vouliez donner pour poursuivre votre argumentaire. Voilà, le nombre de chercheurs a fortement diminué dans les EPST. Par exemple, le nombre de... Les EPST, pardon ? Les établissements publics de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRA. Le nombre de candidats au concours a augmenté de 11% depuis 2008, mais le nombre de recrutés baissait, lui, de 26%. Et c'est encore plus fort pour les métiers support, les personnels techniques et administratifs. Le nombre de postes en concours a diminué de près de 44%. Donc on a vraiment des organismes publics qui ont traversé une cure d'austérité et ça rejaillit évidemment sur les débuts de carrière. Bien sûr. On va revenir encore une fois, hein, bien précisément sur ces débuts de carrière. J'aimerais qu'on reste encore un moment autour non seulement des annonces de la ministre et puis plus généralement de cette réforme des retraites appliquée aux enseignants-chercheurs. On a entendu la ministre annoncer cette augmentation pour 2021 de 26 millions d'euros fléchée hein, vers les débuts de carrière. Elle évoque également une enveloppe de 92 millions d'euros pour les primes de l'ensemble des personnels. On sait que la question des primes, Michaël Zemmour, elle est importante parce que effectivement les primes sont très basses et que bien dans le nouveau calcul qui est induit par la réforme des retraites proposée par le gouvernement, les primes doivent être augmentées pour permettre justement in fine de mieux cotiser et d'avoir une pension plus intéressante en fin de carrière. Cette enveloppe de 92 millions d'euros, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Est-ce que c'est un geste à la fois positif? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? On a du mal à savoir précisément ce qu'il faut en penser, car sur cet aspect-là, comme sur l'ensemble de la réforme des retraites, on ne dispose pas de projections dont dispose le gouvernement. La question qui se pose pour les enseignants-chercheurs sur les retraites, on peut la poser à trois niveaux. La première, c'est la question qui se pose pour tous les salariés. C'est-à-dire que la première chose qu'on sait sur la réforme des retraites, c'est qu'il y a des mesures d'économie qui concernent les personnes qui sont aux portes de la retraite. Les personnes nées après 1960, avant 1975, et qui vont prendre leur retraite entre 2022 et puis les années suivantes. Pour toutes ces personnes-là, il y a une diminution des droits à retraite, et ça va concerner les enseignants-chercheurs comme les autres. Et là-dessus, rien de spécifique. La deuxième chose, c'est ce que vous signifiez, c'est la question spécifique des enseignants, et les enseignants-chercheurs sont concernés. Dans la situation actuelle, pour un fonctionnaire, ce qui compte pour la retraite, c'est le traitement indiciaire. C'est-à-dire, alors, peut-être qu'il faut revenir un peu, alors évidemment pour tous les enseignants et les enseignants-chercheurs qui nous écoutent, ce sera évident, mais pour les gens qui ne le sont pas, peut-être rappeler ce que c'est que ce point d'indice dont on parle beaucoup et dont le gel a créé effectivement la perte de pouvoir d'achat que vous indiquiez. Alors, les fonctionnaires sont rémunérés selon une grille, ils entrent dans la carrière dans une grille, ils progressent à l'ancienneté, et cette grille définit leur rémunération, éventuellement s'ils ont une promotion, ils changent de grille. Et en plus de cette grille, se sont développées ce qu'on appelle des primes, c'est-à-dire une rémunération en général individualisée ou au poste qui est un complément de rémunération. Pour la retraite, ce qui compte aujourd'hui, c'est uniquement le traitement indiciaire, c'est-à-dire la grille, et ne compte pas les primes. Ce qui peut désavantager des fonctionnaires qui touchent beaucoup de primes, mais dans le secteur de l'éducation, que ce soit les personnels administratifs, les agents techniques ou les enseignants-chercheurs, ou les enseignants, les primes sont une faible part de la rémunération. Très faible, c'est-à-dire moins de quelques pourcents à peine. Hein. Alors, dans le secondaire, c'est moins de 10%, oui, et dans le supérieur, il peut y avoir un peu plus s'il y a des heures complémentaires, mais c'est pas beaucoup plus. Ce qui se passe avec la réforme des retraites, c'est qu'on annonce aux fonctionnaires « Votre retraite calculée sur votre traitement indiciaire va baisser ». Le pourcentage que vous gardez en partant à la retraite va baisser. Mais en contrepartie, on va prendre une assiette de calcul plus large, on va inclure les primes. Donc vous y perdez d'un côté et vous y gagnez de l'autre parce qu'on inclut davantage les primes. Mais si vous êtes dans une situation où vous touchez très peu de primes, bah vous êtes concerné par la baisse sur votre, ce qu'on appellerait un peu le fixe, c'est pas le fixe mais le traitement indiciaire. Donc vous êtes concerné par la baisse et vous n'avez pas de compensation du côté des primes. Et c'est pour la raison pour laquelle tout le monde a constaté qu'avec le projet de réforme des retraites, les personnels de l'éducation, en général, allaient être les grands perdants. La réponse du gouvernement à ça, c'est de dire « pas de problème, on va adapter votre rémunération au nouveau système de retraite en vous donnant davantage de primes pour amortir la baisse ». Pour l'instant, ça laisse beaucoup d'interrogations. Alors ça laisse deux interrogations. La première interrogation, elle est sur le fond. C'est un petit peu curieux de dire « on va adapter la carrière à la retraite ». C'est-à-dire qu'on met en place un système de retraite qui ne correspond pas à la situation actuelle, et de dire, plutôt que de changer le système de retraite et de reconnaître une spécificité de la fonction publique en général, ou du métier d'enseignant en particulier, on va modifier l'ensemble de la carrière pour la brancher sur la retraite. Ça, c'est un petit peu curieux. Ça, c'est la volonté, c'est la volonté d'universalisme de cette réforme. C'est-à-dire, on arrête de prendre des cas particuliers et on met tout le monde à la même enseigne. Oui, mais alors d'abord, si vous faites de la comparaison internationale, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles dans le public, on peut avoir un système de retraite parallèle au système privé. Ça ne veut pas dire plus généreux ou moins généreux, mais basé sur des questions différentes. Et puis, il y a des histoires de trajectoire. Vous ne changez pas une trajectoire très facilement comme ça. Un problème évident qui se pose, si vous faites, il faut des revalorisations extrêmement importantes sous forme de primes pour annuler les effets de la réforme des retraites. Mais si vous les faites comme ça a été annoncé uniquement en début de carrière, vous allez vous retrouver avec des jeunes qui ont des rémunérations proches de salariés plus âgés. Alors, je vous corrige parce que les 92 millions d'euros, les 26 millions d'euros, c'est effectivement pour les débuts de carrière, mais les 92 millions d'euros, c'est pour l'ensemble des carrières. Voilà. Oui. Sophie Pochic. Donc, justement, pour vos auditeurs, il faut savoir qu'il y a une loi sur la programmation de la recherche. La loi pluriannuelle de programmation, voilà. Dont on avait parlé à ce micro avec Frédéric Vidal. Et elle relie la question de la revalorisation salariale. Elle dit qu'elle est urgente dans les métiers de l'enseignement supérieur et la recherche pour éviter que le niveau de retraite ne soit en complet décalage avec le niveau de qualification. Et ces rapports préparatoires avaient chiffré un calcul à 2,4 milliards par an si on voulait rattraper le taux de prime d'environ 46% des corps d'État qui correspond à plus, qui correspond au niveau de qualification similaire qu'à des enseignants-chercheurs. D'accord, donc chercheurs. C'est pas uniquement pour les enseignants-chercheurs, c'est plus vaste, à même niveau de qualification. C'était pour rattraper le taux de prime. Par exemple, 46%, c'est le taux de prime des attachés d'administration. Et donc, l'annonce de 92 millions, déjà, c'est un volume beaucoup moins important. Des syndicats ont fait le calcul que ça correspondait à 37 euros par personne si c'était appliqué de manière mécanique. Donc toutes les questions par rapport à l'annonce d'hier, c'est cette revalorisation, elle va être ciblée sur qui ? Uniquement les nouveaux recrutés, comme l'a dit Michael ? Est-ce que ça va être une revalorisation des primes fonctionnelles, les enseignants-chercheurs et particulièrement les chercheurs ? On a très peu de primes fonctionnelles. Ou est-ce que c'est pour créer de nouvelles primes à la performance? Et ces primes à la performance individualisées, elles sont justement intégrées. Donc c'est aussi un changement complet du mode de rémunération des métiers scientifiques. Donc, proposition par exemple, dans les rapports préparatoires, ce seront uniquement les lauréats de grands financements comme les ERC européens, qui sont les grandes bourses de recherche européennes, à l'échelle européenne. Lauréats d'ANR, donc Agence de Nationale Projet, de la Recherche. Agence Nationale de la Recherche. Pour les laboratoires les mieux notés par l'Agence d'évaluation, ou pour une nouvelle forme d'emploi, des CDD en tenure track, qui seraient ceux qui bénéficieraient davantage de cette revalorisation salariale. Alors, on va revenir sur ces tenure tracks qui ont été évoqués. Comment on traduit d'ailleurs tenure tracks, Sophie Pochic? Tenure track, ça se traduit, on en a dans d'autres pays, hein, aux États-Unis, en Allemagne. C'est l'idée de CDD de 3 ans ou 6 ans. Ce sont des CDD de projet, en fait. C'est des CDD de projet, c'est une espèce de tremplin, mais vous devez faire l'épreuve pendant ces 6 années, et vous êtes ensuite simplement titularisé par un comité de sélection. On en reparlera aussi tout à l'heure, hein, de ces CDD de projet, puisque la ministre nous en avait parlé à ce micro, on pourra l'écouter tout à l'heure. J'aimerais, pour finir sur ces annonces de début de semaine, deux choses tout de même. La SGEN-CFDT parle d'un premier pas très positif, donc se félicite plutôt de ces revalorisations, qu'elles soient en début de carrière ou sur les primes. Et la ministre s'est engagée par ailleurs à une revalorisation d'ensemble qui serait incluse dans la loi que vous mentionnez, Sophie Pochic, la loi de programmation pluriannuelle. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout de même face à un gouvernement qui a entendu une partie des doléances du milieu de la recherche depuis un certain temps et qui, à travers finalement ces rattrapages salariaux ou en termes de primes, essaye de compenser, de rendre à nouveau attractif finalement ces carrières françaises que l'on a souvent dit bien voilà peu rémunérées, pas assez rémunérées et pas assez attirantes pour les jeunes chercheurs. Michaël Zemmour. Bon, on peut comprendre de la réaction parce que des annonces salariales, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans ce milieu. Sur la question spécifique des retraites, il faut bien écouter les objectifs qui sont... Il y a une question de l'objectif et une question des moyens qu'on se donne. Les objectifs qui sont annoncés par les différents ministres, c'est de faire en sorte que les retraites des enseignants et des enseignants-chercheurs ne baissent pas plus que les autres. C'est ça l'objectif qui est affiché. Parce que compte tenu du système, le risque était qu'elles baissent encore plus que les autres. Et donc l'objectif qui est affiché, c'est d'aligner les retraites du monde enseignant sur les retraites de la fonction publique. Simplement, la situation actuelle est différente, c'est que les enseignants et les enseignants-chercheurs sont relativement moins bien payés que les autres, mais ils ont des retraites plus élevées. Donc en fait, le gouvernement se donne comme objectif de faire la moitié du chemin. Ça va baisser, mais on va vous aligner sur les autres, vous n'allez pas tomber plus bas. Donc l'objectif est un objectif de baisse, mais d'alignement. La question ensuite, une fois qu'on a compris cet objectif-là, donc la formulation dans la loi, c'est des retraites d'un niveau comparable aux gens qui ont la même qualification dans la fonction publique, qui eux sont en général mieux payés. La question, une fois que cet objectif est posé, c'est est-ce que le gouvernement s'est donné les moyens de cet objectif ? C'est-à-dire, est-ce que les revalorisations sont suffisantes ? Et là, je vous avoue que je n'en sais rien du tout. Il faudrait des simulations, il faudrait poser des chiffres sur la table, et ça manque cruellement pour les enseignants, pour les enseignants-chercheurs, comme pour tout le monde. On est à la veille du dépôt du projet de loi. Toutes les discussions qui ont eu lieu dans le débat public se sont faites sur la question des principes. Et là, du coup, il y a un point d'interrogation. Il y avait une revendication, en tout cas la dénonciation de l'un des points de cette réforme, Sophie Pochic, qui était celui de l'alignement sur l'ensemble de la carrière pour le calcul de la retraite par rapport à ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire les 6 derniers mois qui sont, comme on l'a compris, les 6 meilleurs puisque on arrive en fin de parcours et que suivant l'indice, eh bien plus on monte, mieux on est payé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compensation Qu'est-ce qu'il faut en penser, Sophie Pochic, de cet alignement, de ce changement de calcul ? Vous demandez toujours le maintien du calcul sur les 6 derniers mois ? En tout cas, il y a une mobilisation très forte là qui se structure dans l'enseignement supérieur et la recherche. Si le SGEN, qui soutient en fait cette réforme des retraites par points, c'est pas le cas des autres syndicats, notamment la FSU, la CGT. À laquelle vous appartenez. À laquelle j'appartiens. Et en fait, il y a une coordination nationale qui se structure des facs et des labos en lutte depuis décembre. Notamment pour à la fois contester les effets de ce régime à points sur l'enseignement supérieur et la recherche et demander surtout un vaste plan de titularisation et puis une autre forme de financement, notamment des crédits de base pour les laboratoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que va y avoir un effet mécanique puisque sur les 6 derniers mois, c'était le dernier plus haut salaire, passer un calcul sur l'ensemble de la carrière au nom de l'universalité, mécaniquement, on va baisser les pensions, on va réintégrer les débuts de carrière à bas salaire avec les périodes de contrats précaires, particulièrement si cette période de précarité s'allonge, ce qui semble être le cas. Ça n'était pas la panacée pour l'instant, parce qu'on a des polypensionnés pour dans l'enseignement supérieur et la recherche. On va revenir là-dessus sur la notion de polypensionnés. Les estimations syndicales donnent des pertes parfois considérables de l'ordre de 30 à 40%. Donc la valorisation des salaires à l'entrée pour l'air jeune ne compensera pas la perte prévue. Michaël Zemmour, il y a effectivement plusieurs choses intéressantes dans ce que vient de dire Sophie Pochic, qu'envisageait justement de résoudre cette réforme de retraite. Le problème des polypensions, c'est-à-dire des gens, parce que ça arrive souvent dans le milieu de la recherche à un moment donné, de faire un crochet par le privé, de revenir dans le public, donc d'avoir différentes caisses de retraite et donc des calculs très complexes. Il y a aussi la question du passage à l'international. Aujourd'hui, est-ce que cette réforme répond en partie à ces problèmes qui rendaient le calcul des retraites extrêmement complexe et qui étaient en général plutôt défavorable d'ailleurs aux salariés, non ? Alors la question des polypensions, c'est clairement un problème. Donc une polypension, c'est le fait d'avoir une partie de sa retraite qui relève du droit privé. Donc quand on est précaire ou vacataire à l'université, on cotise pour les retraites à l'IRCANTEC notamment, mais du côté du privé. Et du coup, quand on se retrouve à la retraite, on peut avoir des modes de calcul extrêmement défavorables. Un argument dans le cadre de la réforme, c'est de dire dans le cadre d'un système unique, cet élément disparaît. Et sur le papier, c'est assez convaincant. Il y a un problème concernant la mise en œuvre. C'est que le gouvernement a annoncé une transition extrêmement longue entre le système actuel et le système à points. Une transition, en gros, qui fait que pour limiter les effets néfastes de la réforme, les personnes qui sont actuellement en emploi vont garder leur système actuel jusqu'à leur retraite, donc jusqu'en 2060 par exemple, et n'auront du système à points que pour la fin de leur carrière. Autant dire que si aujourd'hui vous êtes polypensionné, parce que votre carrière a déjà commencé, ça sera le cas encore jusqu'en 2060. Et donc la disparition de ce problème des polypensions, on peut l'envisager, mais pour des personnes qui rentreraient dans la carrière en 2022, 2023 ou 2024. Donc, sur le fond, il est possible que ce soit une amélioration technique, mais les questions un petit peu urgentes, c'est-à-dire à la fois la baisse des pensions pour les personnes aux portes de la retraite et aussi la projection des pensions pour les personnes actuellement dans l'emploi, sont pas vraiment résolues. Il y a aussi cette question sur les polypensions, peut-être un mot aussi sur les passages à l'international quand même, parce que ça concerne énormément de monde, Michaël Zemmour. Sur le passage à l'international, le problème actuel est que quand vous êtes à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, vous acquérez en général des droits à la retraite dans un pays étranger et pas en France. Il y a quelques dispositifs qui vous permettent de racheter des années, mais qui sont des dispositifs pas très intéressants. Ce que j'ai pu voir dans la loi sur les retraites est très comparable à ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que, en gros, les personnes qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger auront deux retraites, une à l'étranger, une en France. Sauf modalité particulière de rachat. Pas de grosse innovation de ce côté-là. Alors, il y a une autre question pour en finir avec cette réforme des retraites et pour passer examiner plus généralement un certain nombre de points qui ont été abordés que j'aimerais qu'on aborde et qu'on estime ensemble autour de la précarité des carrières de recherche et d'enseignants-chercheurs en France. Il y a la question du départ et de l'âge pivot, de l'âge légal de départ qui est assez confuse compte tenu de ce que vous évoquiez, Sophie Pochic, c'est-à-dire de l'entrée tardive, ce qui pousse en fait les départs moyens entre 65 et 76 ans pour les enseignants-chercheurs. Écoutez ce que disait Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à ce micro à propos de la réforme appliquée aux chercheurs. C'était en tout début d'émission. Alors effectivement, ces inquiétudes, elles auraient pu être justifiées si le Premier ministre et le Président de la République n'avaient pas indiqué que justement, sur ces carrières particulières dans lesquelles les primes sont relativement faibles et où l'intégration des primes ne pourra pas compenser le fait que les carrières seront calculées sur l'ensemble du temps travaillé. Voilà, c'est évidemment un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est les annonces qu'a faites le Premier ministre hier notamment. Mais plus généralement, dans les carrières de la recherche, dans les carrières des chercheurs, des enseignants-chercheurs, la bonne nouvelle de cette réforme, qui a vraiment pour objectif de simplifier le système, c'est que toute période travaillée pourra permettre d'avoir une pension. Et c'est très important, d'autant plus dans le monde de la recherche, où les études sont longues, c'est-à-dire que très souvent on a été obligé de travailler pendant ses études, ça n'était absolument pas pris en compte, où les débuts de carrière sont relativement tardifs, hein, puisque la moyenne de recrutement, c'est à plus de 30 ans, ça dépend des disciplines, mais en moyenne c'est 32-33 ans. Ce qui signifie que, de toutes les façons, il fallait attendre 67 ans pour avoir ses droits pleins à la retraite. Qui est l'âge de départ pour les chercheurs? Absolument, qui est l'âge le plus classique, on va dire, de départ, parce que au regard du recrutement qui se fait très tard, on était obligé d'attendre cet âge qui donnait les droits pleins à la retraite. Ce sera 64 ans dans la future réforme. Donc, bien sûr, un travail de fond qui est mené sur cette question de prime. Un travail beaucoup plus général dans le cadre du monde de la recherche, avec justement la loi de programmation de la recherche, qui de toutes les façons doit permettre de revaloriser l'attractivité de l'ensemble des métiers de la recherche, pas seulement des chercheurs et des enseignants-chercheurs, mais de l'ensemble des métiers de la recherche. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un chercheur qui est recruté avec donc au minimum un doctorat peut être recruté à 1,4 SMIC. Je pense qu'on peut considérer que ça fait partie des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Deux choses peut-être sur ce sujet encore. Vous venez de nous dire que donc l'âge pivot sera donc le même pour tout le monde. Ça veut dire que pour les chercheurs, on va reculer l'âge de départ à la retraite pour avoir une pension pleine de 67 à 64 ans ? C'est pas à reculer, donc en l'occurrence, hein, puisque le principe, c'est qu'effectivement, 64 ans, ce sera l'âge de départ possible à taux plein. Donc on passe de 67 à 64, a priori, pour les chercheurs. À partir du moment où, effectivement, la possibilité d'avoir accès à sa retraite à taux plein passera de 67 à 64. Voilà, 64 pour les chercheurs qui ont commencé peut-être un peu plus tôt que les autres et qui ont suffisamment de points ou d'annuités. Qu'est-ce qu'il faut penser de cet entretien avec la ministre Michaël Zemmour? C'est pas très clair, hein, 67, 64 ans. Alors l'âge pivot, on ne sait pas très bien s'il sera maintenu ou pas, mais enfin... Si, on sait très bien. Alors, l'âge pivot ou l'âge d'équilibre, il y a deux volets. Il y a le premier volet qui concerne les personnes qui ne seront pas dans le système à points. Vous savez, les personnes qui sont nées avant 1975. Sur ces personnes-là, le gouvernement veut faire des économies. Alors, son plan A, c'est de mettre en place un âge pivot, c'est-à-dire un âge à atteindre, et si vous ne l'atteignez pas, vous avez un malus. Donc, on calcule votre malus au plus défavorable de deux critères, la durée de cotisation et cet âge à atteindre, par exemple 64 ans en 2027. Ça, c'est le plan A du gouvernement, mais il a accepté de discuter des modalités de ces économies et donc éventuellement d'envisager d'autres choses, par exemple un allongement de la durée de cotisation ou un report de l'âge légal pour faire les mêmes économies. Ça concerne les gens qui ne sont pas concernés par la retraite à points. Et donc l'âge pivot pourrait les concerner également. Mais surtout, il y a un âge d'équilibre, s'appelle-t-il, qui est dans la loi et qui n'en bougera pas. C'est pour toutes les personnes qui sont concernées par la retraite à points, c'est-à-dire les personnes qui sont nées après 1975. Qu'est-ce que c'est cet âge d'équilibre? C'est assez simple. Pour toucher la valeur de votre point, il faut atteindre cet âge d'équilibre. Vous avez une valeur du point qui est fixée, indexée, et s'il vous manque des années par rapport à cet âge d'équilibre, vous ne touchez pas votre point, vous touchez 5% en moins par année manquante. Dernier élément à connaître, l'âge d'équilibre bouge en fonction des générations. Les projections que fait le gouvernement disent que cet âge d'équilibre sera à 65 ans, et pas 64, pour la génération née en 1975, et pour les générations, par exemple, qui sont nées à la fin des années 90, ça sera 67 ans. Ce qui veut dire que pour toucher la pleine valeur de ces points, il faudra atteindre ces âges-là. Alors, maintenant, ce que dit la ministre, je pense qu'elle compare deux choses qui ne sont pas exactement comparables. En fait, dans le système actuel, pour les enseignants et les enseignants-chercheurs, le mode de calcul de la retraite est plutôt favorable. Il y a une espèce de deal social qui dit « on vous paye moins bien que dans le privé, mais aussi que dans le reste de la fonction publique ». Et en échange, vous avez un mode de calcul de la retraite plutôt favorable. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui partent avec une retraite qui n'est pas réputée à taux plein, donc à 62 ou 63 ans, parce qu'ils n'ont pas leurs 42 annuités, donc ils partent avec une pénalisation, mais comme le mode de calcul est favorable, leur retraite est à peu près correcte. Et donc aujourd'hui, on peut partir avec 62 ou 63 ans, avec une carrière incomplète et une retraite correcte. Ce qui va se passer dans le système à points, c'est qu'ils auront le même mode de calcul que les autres, et ils devront atteindre le même âge que les autres. Et donc, il est un petit peu difficile de comparer les deux systèmes, mais en tout cas, ce qui semble s'évaporer, c'est l'espèce de contrat social en disant « vous êtes mal payé, et en revanche, vous avez un calcul de retraite plus favorable ». Le calcul de retraite plus favorable disparaît, et du coup, le point d'interrogation, c'est « est-ce que la compensation salariale est en face ?». Ce dont on a parlé en première partie d'émission. Sophie Pochic, à ce propos de cet âge de départ légal, de ce que vient de dire Michaël Zemmour. Pas particulièrement. Bon, alors à ce moment-là, on va entrefermer ce dossier des retraites pour parler plus généralement de la question de la précarité et de la précarisation. On a entendu tout à l'heure Sophie Pochic nous parler de ces tenures trac, c'est la ministre qui l'évoquait, les CDI de projet, ces débuts de carrière. Est-ce que tout ça, eh bien, va aller dans le bon sens pour les enseignants-chercheurs de demain, ou est-ce qu'au contraire cette situation ne s'améliore pas vraiment? On en parle dans un instant. Every day, you know the one is in my way. I never fail to say. Get a job, c'est la chanson un peu malicieuse, dirons-nous, de The Silhouette quand on parle des carrières dans la recherche et de la réforme des retraites. C'est notre sujet du jour puisque ce projet de réforme des retraites sera présenté demain en Conseil des ministres. Nous examinons eh bien ses conséquences pour les milieux de la recherche et pour les enseignants-chercheurs en compagnie de Michaël Zemmour, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur de l'axe politique socio-fiscale du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et avec Sophie Pochic, sociologue du travail et du genre, directrice de recherche CNRS à l'École normale supérieure à l'EHESS et membre du syndicat FSU Recherche. Alors, on a parlé donc longuement, et en espérant vous avoir d'ailleurs un peu éclairé sur ce que cette réforme des retraites va changer au parcours professionnel des chercheurs et des enseignants-chercheurs. On va parler un peu bien de la structure même, de la nature de ces carrières qui sont, comme on l'a dit et comme on l'a beaucoup entendu, très discontinues, qui passent eh bien entre la France et l'international, entre le public et le privé, qui ont du mal avant de trouver un poste fixe et qui enchaînent pas mal de contrats précaires. Et la question de la précarité, c'est un autre des grands sujets qui traversent et qui préoccupent le milieu de la recherche. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une doctorante qui est membre des collectifs de précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le constat que nous faisons toutes et tous ensemble, c'est que la réforme des retraites, aussi bien que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche ou la loi de transformation de la fonction publique, nous impacte toutes et tous à l'université. L'ensemble des personnels est touché par la casse de nos statuts protecteurs, le fait qu'il y a de moins en moins de postes de titulaires, et que ce soit les enseignants, les chercheurs, chercheuses, mais aussi les personnels administratifs, les ingénieurs, les techniciens, les personnels de santé, sociaux, les personnels des bibliothèques aussi. Nous sommes de plus en plus nombreux à devoir survivre dans nos établissements avec des contrats multiples, extrêmement divers et morcelés, mais qui ont tous en commun donc de nourrir cette précarité. Mais le constat que nous faisons ensemble, c'est que ça ne peut plus durer. En fait, le système d'emploi qui repose sur ces contrats précaires, ces multiples contrats précaires, sur le travail gratuit et aussi sur le surtravail de toutes et tous. On se rend bien compte que même nos collègues titulaires sont à bout de souffle. Et donc là, on vit vraiment, je pense, un moment de mobilisation assez inédit dans nos établissements. D'où l'ampleur aussi, je crois, de ce mouvement de précaires qui repart. On a déjà été contactés par plusieurs collectifs d'autres régions. Vraiment, je crois qu'il est urgent de se mobiliser en ce moment, en fait, pas seulement par rapport à cette casse de notre système de retraite, mais aussi pour défendre les services publics de manière plus large, et parmi eux, nos universités, nos laboratoires de recherche publique. Ce qui est très clair, en tout cas pour les précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est qu'il faut jeter toutes nos forces dans la bataille maintenant. Nous voulons une création de postes massive. Ça ne servira à rien de sauver les statuts, notamment le statut de maître de conférence, si derrière il n'y a pas des créations de postes massives. Donc je crois que tout le monde est extrêmement mobilisé et que le discours est beaucoup plus combatif que les années précédentes, parce qu'on a conscience que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser pour sauver nos universités, notre système de recherche publique et aussi plus largement la sécurité sociale et notre système de retraite. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux dans tous les cas à être précarisés, ça fait de plus en plus de monde mobilisé. Voilà, témoignage d'une doctorante qui a souhaité rester anonyme. Est-ce que vous vouliez réagir peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Sophie Pochic? Oui, mais ça fait des années que la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme sur cette question de la croissance de l'emploi précaire, des conditions de travail. Depuis Sauvons la recherche, c'est déjà en 2004. Et là, en fait, ce que l'on voit depuis plusieurs années, notamment depuis la loi sur l'autonomie des universités de 2007, alors que les universités accueillent des générations plus nombreuses, c'est plus 16% d'étudiants depuis 2012, il y a eu une baisse des recrutements, de maîtres de conf, moins 36%, de professeurs, moins 40%. Les universités, en fait, gèlent les postes qu'elles devraient recruter parce qu'elles ont parfois des vrais problèmes financiers et elles fonctionnent avec de plus en plus de contractuels et de vacataires. Est-ce qu'on peut chiffrer justement cette augmentation? Parce qu'on parle de contractuels, de vacataires, d'ATER, de post-doc. Aujourd'hui, quelle est la nature de ces contrats? Quels sont-ils? Et est-ce que vous avez des chiffres à nous proposer? Il y a à peu près 25% des personnels des laboratoires et 35% des départements universitaires qui sont composés de CDD sur l'ensemble des métiers. Enseignement, recherche, mais ça a été évoqué, fonctions administratives, techniques et les bibliothèques aussi. Ça pose de nombreux problèmes, hein, de turnover, de un moindre contrôle aussi des résultats obtenus. C'est une surcharge collective, parfois même du travail gratuit. Aucune entreprise n'a ce taux de CDD dans ses emplois de cadres et d'ingénieurs. Les précaires de l'ESR, par exemple, pour les enseignants de l'enseignement supérieur et la recherche, c'est plus de dizaines de milliers. Et c'est vrai qu'ils se structurent actuellement pour demander un plan ambitieux de recrutement et de création de postes. Et là, dans la loi de programmation, ce qui nous est proposé, c'est une stabilité du nombre de fonctionnaires. Il y a un vrai choix idéologique sur les bienfaits de la précarité et même des attaques contre le statut de fonctionnaire. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. J'ai quelques chiffres, mais j'aimerais l'opinion de Michaël Zemmour là-dessus. Avant de reparler sur les annonces de la ministre, hein, puisqu'elle a proposé et l'embauche d'ailleurs de 300 doctorants, 200 cette année plus 100 l'an prochain. Mais peut-être un mot sur les chiffres de la précarité, Michaël Zemmour, dans l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai quelques chiffres que je vous soumets, je vous laisse les commenter. Les postdocs, hein, donc on peut rappeler ce que c'est qu'un postdoc, hein, c'est un contrat à durée déterminée qui est donné à des doctorants, qui est un contrat court de recherche sur un projet en général qui dure moins de 3 ans, je crois, c'est ça ? Oui, moins de 3 ans, ça peut être beaucoup moins. Les postdocs représenteraient plus d'un tiers des postes de chercheurs à temps plein hors doctorant ? Sophie Pochic, vous approuvez ? Oui, non, mais ça paraît incroyablement important. Oui, une des raisons, c'est que pendant cette période, il y a eu aussi une croissance du financement sur des projets compétitifs ou des structures temporaires, des IDEX, des EquipeX, via l'Agence nationale de la recherche, le plan d'investissement d'avenir. Et donc, ça a eu comme conséquence directe une très forte hausse des personnes contractuel. Et dans les équipes de recherche, effectivement, dès qu'on a un projet ANR, eh bien, on embauche l'Agence nationale de la recherche. On embauche des post-docs. Une des raisons aussi, c'est que les personnels de soutien technique qui existaient avant sur statut de fonctionnaire sont partis à la retraite, n'ont pas été remplacés. Et donc, on a de plus en plus de contractuels dans nos équipes et dans nos départements et de plus en plus de vacataires. Et les vacataires en 2017, des chiffres de 2017, 107 000 vacataires dans les universités déclarées. On dit que le chiffre va monter jusqu'à 130 000. Alors, dans les vacataires, il y a des professionnels qui viennent faire des vacations, et puis il y a des doctorants et des docteurs, mais eux disent qu'ils sont payés en dessous du SMIC par rapport aux annonces de la ministre, au regard du temps effectif, parce qu'en fait, ils sont payés à 41 euros brut pour une heure de cours en présentiel, mais pour une heure de cours en licence ou en master, on estime qu'il faut au moins 4 heures de préparation et de correction de copie. Et là, il n'y a aucune annonce, par exemple, de revalorisation sur le statut des vacataires. Michaël Zemmour. Alors, peut-être pour comprendre cette situation, il faut revenir à sa source, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on a donné aux universités leur autonomie budgétaire. Et donc maintenant, ce sont les universités ou les établissements de recherche qui sont responsables de l'embauche. Alors, pour les postes de fonctionnaires, ils ont un plafond d'emploi à ne pas dépasser. Mais dans la plupart des cas, les besoins financiers sont tels que les établissements ne vont pas jusqu'à ce plafond d'emploi. Et donc, pour faire des économies, parce qu'ils n'arrivent pas à boucler le budget, ils remplacent des emplois permanents par des emplois temporaires qui sont nettement moins chers. Et donc, ça se constate à la fois du côté des personnels administratifs, où il n'est pas rare de voir des gens qui sont embauchés pendant 10 mois et plus embauchés pendant les vacances. Ça se constate du côté de l'enseignement, où vous payez 40 euros brut de l'heure, une heure d'enseignement en TD à l'université, alors que pour un enseignant-chercheur en poste, c'est évidemment plus élevé. Et ça se constate aussi du côté de la recherche, où pour faire des économies, ce qu'on constate dans les laboratoires, c'est à la fois des post-docs très courts, c'est-à-dire que vous allez avoir un contrat de recherche qui va vous financer une recherche sur 6 mois, qui en réalité sera fait sur plus longtemps, mais le salaire tiendra que sur 6 mois. Et moi, ce que je constate beaucoup, notamment en sciences sociales, c'est des gens qui font leur thèse sur l'assurance chômage. l'assurance chômage dans beaucoup de laboratoires est devenue le financement de thèse par définition. Et donc, les universités n'ayant pas les moyens d'embaucher reportent la charge sur la précarité, donc sur les individus, et aussi, en l'occurrence, sur l'assurance chômage. J'ai un auditeur qui nous demande, qui pose une question assez assez précise, qui se demande comment un professeur agrégé de classe préparatoire soit bien mieux rémunéré qu'un maître de conférence. Voici les chiffres qu'il nous donne. Agrégé en classe préparatoire, 4090 € net par mois après 10 ans échelon 8. Maître de conférence, 2670 € net par mois après 10 ans échelon 5. Est-ce que ça vous paraît être des chiffres... Oui, tout à fait. C'est à la fois lié à la situation française où il y a vraiment une filière différente, la filière d'élite des classes préparatoires et les universités qui n'ont pas été valorisées à leur juste voilà valeur, juste valeur. Et puis les professeurs de classes préparatoires ont aussi beaucoup d'heures complémentaires qui leur permettent d'avoir ces niveaux de rémunération beaucoup plus élevés. Alors j'aimerais qu'on parle d'une autre chose puisque parmi bien cette cette tératologie entre guillemets de contrats courts, de différents contrats post-doc, vacataires, CDD, la ministre a évoqué à ce micro la création de CDI de projet pour faire la transition justement entre précaire et statutaire. Je vous propose de l'écouter. Pour conclure, parce que j'aimerais tout de même qu'on en parle de ce projet, les CDI de projet qui ont été évoqués par le président pour assurer, dit-il, le continuum entre précaire et le statutaire. On sait que la recherche est déjà très précarisée. L'arme à dégainer, c'est un autre contrat précaire qui s'ajoute au contrat précaire, Frédéric Vidal. Non, mais là aussi, il faut connaître la réalité du terrain. Et moi, c'est ce que j'entends en permanence. Vous avez des gens que vous pouvez recruter sur la base de fonds qui ne sont pas des fonds publics, qui sont des ressources propres. Vous ne pouvez donc les recruter que sur contrat. Actuellement, c'est sur des CDD, maximum 6 ans, c'est-à-dire que globalement, quand vous avez fini de les former, parce que parfois il faut très longtemps pour les former, vous ne pouvez pas les garder. Ce qui est proposé, c'est que ce soit des CDI, ce qui est quand même pas complètement la même chose quand vous allez devant votre banque, un CDD ou un CDI, et qu'on puisse garder ces personnes formées, compétentes, qui apportent tant à la recherche, à minima sur toute la durée du projet. Et si un autre projet s'enchaîne, il continue et il reste en CDI. C'est tout sauf augmenter la précarité. Voilà, Frédéric Vidal, c'était en toute fin d'émission, d'où le générique que vous pouvez entendre sous les déclarations de la ministre. Qu'est-ce qu'il faut penser, Michaël Zemmour, de ces CDI de projet, qui sont des CDI donc à durée déterminée, qui permettent de faire la transition vers des CDI à durée indéterminée? C'est les tenure tracks que l'on évoquait tout à l'heure. La réponse est un petit peu dans la question, c'est-à-dire qu'un contrat à durée indéterminée mais financé sur un projet à durée fixe, c'est de fait un CDD. Quand on regarde, la question c'est de quoi ça prend la place. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des contrats beaucoup plus précaires et des contrats de post-doc de 3 ans, bien financés, ça peut répondre à des vrais besoins entre la fin de la thèse et le début d'une carrière. Par contre, si ça prend la place et si ça vient manger l'emploi titulaire, c'est-à-dire que à 35 ans, après une période de précarité, vous entrez dans un CDI de projet encore de 3 ans, c'est le modèle dans pas mal de pays d'Europe, vous pouvez vous retrouver avec des profils, et je crois qu'en Allemagne, c'est un petit peu ce qui se dessine. Vous avez des gens qui ont une carrière professionnelle sur des contrats précaires qu'ils enchaînent, dont à chaque fois ils doivent chercher le financement, et à 40 ans ou 45 ans, on leur dit que c'est fini. Parce qu'ils n'ont aucune garantie sur leur emploi, ils ont été qualifiés, mais il n'y a pas assez de place pour eux. Et donc la question c'est de quoi ça prend la place. Le modèle français est basé plutôt sur une forme de sécurité de l'emploi et de rémunération relativement modérée qui donne le temps de la recherche. Donc si ces CDI de projet prenaient la place ou remplaçaient les vacations, ça pourrait effectivement être une amélioration. Si en revanche, et c'est ce qu'on peut craindre, c'est une substitution de l'emploi titulaire, là, ça pose des questions à la fois sur le statut de la fonction publique, mais également sur la stabilité dans l'emploi d'enseignement et de recherche. Sophie Pochic, sur ces tenure tracks. Oui, oui. Alors, sur ces tenure tracks, c'est vrai que ça paraît étonnant de dire on va déprécariser en proposant des CDD. On va s'inspirer d'exemples comme l'Allemagne, alors que on sait très bien que ça a des conséquences très néfastes. Il y a une incertitude très stressante sur la stabilisation. En En Allemagne, par exemple, c'est 90% des chercheurs de moins de 45 ans qui sont en CDD. Ça crée aussi des inégalités parce qu'on peut négocier individuellement la rémunération. Ça va être variable suivant les disciplines. Alors d'un côté, on a le point d'indice qui est pas bien parce que ça fixe et que ça bouge plus. Et de l'autre côté, quand on peut négocier, c'est pas bien non plus parce que d'un seul coup, c'est chacun au petit bonheur la chance. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça a le risque d'augmenter les inégalités de rémunération femmes-hommes, ça c'est sûr. Et puis, le statut de fonctionnaire pour les chercheurs, c'est une création suite à une mobilisation forte des hors-statuts dans les années 70. C'est aussi un garant de notre liberté académique contre la pression des industriels ou des politiques. Ça permet le temps de la recherche fondamentale sur le temps long. Et pour préparer le projet de programmation sur la recherche, il y a eu une vaste consultation. Et c'est ça qui énerve beaucoup la communauté scientifique, notamment du comité national, des sociétés savantes qui ont participé activement à la consultation, qui avaient fait des propositions chiffrées et qui avaient surtout demandé un plan de création d'emplois de titulaires et puis un soutien au collectif de travail. Le comité national du CNRS, par exemple, il avait chiffré qu'il fallait pour le seul CNRS, pour revenir à la taille du CNRS en 2012, plus 400 par an chargés de recherche, plus 700 par an ingénieurs et techniciens, et pour les universités, pour suivre l'augmentation des étudiants, plus 3000 maîtres de conférences, plus 2000 biats. Donc il y avait des propositions chiffrées. Ça n'est pas du tout ces propositions chiffrées qui ont été retenues. Et il y a vraiment des choix idéologiques sur le fait que la compétition à outrance va permettre de mieux chercher et trouver, et c'est très discutable. Ce même comité national de la recherche scientifique du CNRS qui a rendu un rapport au mois de juillet, qui est, on peut pas dire que ce soit un repère de dangereux gauchistes, déclare dans ce rapport qu'il y a une dégradation rapide et importante des conditions de travail et de la conduite des activités de recherche, que le temps disponible pour la recherche s'est réduit dans des proportions considérables, que les personnels scientifiques sont soumis à des exigences croissantes en matière d'activité sans disposer de moyens financiers et humains correspondants. Alain Fuchs, ancien président du CNRS, a dit à ce micro même qu'il craignait que la France soit en train de décrocher, de perdre une génération de chercheurs. Est-ce que, pour conclure, vous avez le sentiment d'une, que c'est une réalité? Est-ce que vous avez le sentiment deux, que malgré tout, dans ces annonces, il va y avoir une certaine forme de rééquilibrage qui peut permettre d'endiguer ce mouvement? Michael Zemmour. Sur la perte de la génération de chercheurs, je pense que la question de l'emploi est cruciale. Et nous, on constate tous les jours qu'il y a des jeunes personnes qui sont formées par des thèses et qui ne trouvent aucun débouché. Il n'y a même plus de concours ouverts dans plein de disciplines. La ministre parle de 300 doctorants recrutés, 200 cette année, 100 l'année prochaine. Donc ça, oui, mais ça, je parle dans le sens de la revalorisation. Je parle d'au-delà des doctorats. Une fois qu'on a une thèse, il y a plein de disciplines où il n'y a plus de postes. J'ai changé d'université, mon poste n'a pas été renouvelé dans mon université d'origine. Et donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est que ça produit un certain type de recherche, parfois de la mauvaise recherche, mais un certain type de recherche. C'est-à-dire, quel type? Les doctorants aujourd'hui choisissent des questions qui vont leur permettre de valoriser leur CV. Donc des questions qui pourront résoudre rapidement et valoriser. Et donc ça conduit à ne pas prendre de risques. Un tout petit mot pour conclure, Sophie Bochic, en quelques secondes. Donc par rapport à cette annonce, là on voit qu'il y a beaucoup de sociétés savantes qui écrivent des tribunes, certaines universités ou les services et les laboratoires se mettent en grève, certains qui commencent à faire il y a une candidature collective à la présidence de l'agence d'évaluation. Donc il y a toute une convergence de contestation de ces propositions et la prochaine coordination nationale va essayer de structurer ce front large de contestation. Il y aura une coordination les 1er et 2 février pour élaborer des contre-propositions qui sont vraiment portées par les chercheurs et les universitaires au plus près de la réalité de leurs activités. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sophie Pochic, merci Michael Zemmour d'être venu nous parler, éclairer cette réforme des retraites et cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Audrey Guélil à la technique. Demain, eh bien, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous reviendrons largement sur ce coronavirus chinois qui inquiète la communauté internationale. Parlerons également du terrible ptérosaure et du plus gros radiotélescope du monde. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.